petits bruns et les grands blancs, quand ils sont entre garçons. Les petits bruns et les grands blancs rient comme des fous, sont comme des frères. Mais quand se pointe un jupon, les amitiés se défont. Les petits bruns et les grands blancs se font la gueule, se font la guerre. Ils se disent on ne m'aime dès qu'une beauté s'amène. Qui de nous prendra sa main, le grand blanc ou le petit brun? Le grand blond se rend bruni et le petit brun pâlit, car ils se craignent chacun, grand blond et petit brun. C'est très triste, oui très triste, ce conflit qui éclate entre amis de naguère. Moi qui suis ce que je suis, je trouve que ça ne devrait pas être permis. Les petits bruns et les grands blonds, quand ils sont entre garçons. Les petits bruns et les grands blonds rient comme des fous, sont comme des frères. Mais quand se pointe un jupon, les amitiés se défont. Les petits bruns et les grands blonds se font la gueule, se font la guerre. Le blond se dit en lui-même, je suis gagnant, y a pas de problème. Car les filles, c'est certain, préfèrent les grands blancs aux petits bruns. Tandis que le brun se dit, c'est d'accord, je suis petit, mais l'amour c'est mon rayon, zéro pour les grands blonds. Et y a toujours une blonde qui choisit le petit brun, une brune dans le monde que le blond aimera demain. Ainsi finit la triste guerre, ils se retrouvent entre garçons, rient comme des fous, sont comme des frères, les petits bruns et les grands blonds.